journée de la formation professionnelle. Sur Radio FR, ce mercredi, c'est pour rappel la journée intercantonale de la formation professionnelle avec nos différents invités. Tout de suite, sur Radio FR, Alain Amert, bonjour. Bonjour Didier. Alain, vous êtes directeur de l'IDR Top Fitness, un fitness basé à Givisiez. Et avec vous, nous allons évoquer une nouvelle profession, celle d'assistant en promotion de l'activité physique et de la santé. APAPS, c'est son diminutif. En quoi consiste cette nouvelle activité? Ce nouveau apprentissage a été créé sur une base de 3 ans. Nous avons 2 journées de cours professionnel à Neuchâtel et la 3e année, une journée où on apprend la physiologie, le mouvement, les muscles et ainsi de suite. Alors, jusqu'à présent, cette formation n'existait pas. Comment pouvait-on alors travailler comme coach dans un fitness? Tout simplement en suivant des cours préparatoires dans des écoles privées, des formations continues et sur le terrain. Pensez-vous que cette profession offre de bonnes perspectives aux jeunes qui la choisiraient? Oui, car nous cherchons des gens, des jeunes qui sont formés pour suivre les gens, on va plus en plus dans le domaine de la santé. L'APAPS est exactement ça, on veut créer un lien avec les clients et aider les gens à vieillir en bonne santé. Et qu'est-ce qui attire les jeunes dans cette profession selon vous? C'est une toute nouvelle formation, c'est dans le sport, donc ça veut dire que c'est convivial, c'est motivant. Beaucoup de jeunes que je forme, moi, c'est des sportifs de l'ANTA qui font différents sports, de la grimpe, du vélo, qui ont fait avant de l'haltérophilie et qui maintenant ont choisi cette voie-là car nous travaillons, comme j'ai déjà dit, dans la santé et le bien-être des gens. Alors, est-ce que c'est un métier de garçon, somme toute? On pourrait le penser? Non, pas du tout. C'est mixte car nous avons les spécialistes sur le plateau musculation qui sont plutôt les garçons. Et dans les cours collectifs, on voit les filles sont quand même toujours un peu supérieure parce que voilà, c'est la musique, c'est la chorégraphie, donc je dirais pas, c'est vraiment mixte, c'est vraiment bien établi. Est-ce qu'il y a un profil type? Alors il faut absolument être un sportif ou pratiquer du sport, comme vous le disiez il y a quelques instants? Disons que ça aide si on veut transmettre notre savoir et puis à quel moment, comment améliorer la santé des gens, de sentir quelles fibres musculaires travaillent. Bien sûr, on est obligé de soi-même être capable de dire à quel moment, quel exercice va nous faire quel effet. Vous-même, vous formez des apprentis dans le cadre de cette nouvelle formation. Pourquoi avoir franchi le pas de former des jeunes déjà? Oui, effectivement, je forme des apprentis car je trouve super important. Il faut préparer un avenir à nos jeunes. C'est facile de dire que les jeunes ne veulent pas travailler, mais il faut leur donner la possibilité de se former. Et je trouve que, surtout dans ma profession, on est tous un petit peu mis de côté dans un domaine qui est bodybuilding, qui n'est plus du tout d'actualité. C'est un peu cliché, du coup. Voilà, oui. Exactement. Vraiment, d'ailleurs, moi-même, je ne ressens pas ça. Donc, du coup... Alors, on ne le voit pas parce qu'on fait de la radio. C'est juste. Mais c'est effectivement, on veut des professionnels, on veut que les gens soient bien suivis pour éviter toute blessure dans son activité, qui est le plaisir et le sport. Et vous-même, vous formez combien d'apprentis? Alors j'en forme 2 apprentis et j'en ai un qui quitte cette année. Avec des perspectives alors pour la suite, pour ces jeunes, c'est d'évoluer ensuite dans d'autres fitness? Exactement, ça dépend. Donc là, l'apprenti qui va finir, lui, va évoluer dans un autre fitness. Les portes sont ouvertes et il y a assez de travail sur le marché. Et vous-même, pourquoi avoir choisi de travailler dans le domaine du bien-être, de la santé, on le disait il y a quelques instants, puisque vous avez une autre formation avant d'être entré dans le domaine en question? Oui, j'étais boulanger-pâtissier-confiseur, mais j'ai toujours vécu dans le sport, j'ai toujours fait des formations, j'ai fait pas mal de concours. Donc j'ai eu une opportunité, quand j'étais un peu plus jeune, de reprendre ce fitness. Je me suis formé dans les formations continues, dans des écoles privées justement, et j'ai un très très bon contact avec les gens. C'est ce que j'aime, c'est de leur apporter un petit peu de sourire, un petit peu de bien-être et du renforcement musculaire pour justement qu'ils se sentent mieux dans la journée de tous les jours. Très bien, merci beaucoup Alain Amert. Je rappelle que vous êtes directeur du Leader Top Fitness, le fitness basé à Givisiez dont on a parlé il y a quelques instants. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Didier, bonne journée.